Chapitre 203. La sunna de la prière du vendredi. On peut citer dans ce chapitre le hadith précédent numéro 1098 d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, qui rapporte avoir accompli, tout comme le prophète, alayhi salatu wassalam, deux unités facultatives après la prière du vendredi. Al-Bukhari et Muslim. 1126. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque l'un d'entre vous a accompli la prière du vendredi, qu'il la fasse suivre de quatre unités de prière facultatives. Muslim. 1127. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'accomplissait aucune prière facultative à la mosquée après la prière du vendredi. Mais il accomplissait deux unités une fois chez lui. Muslim. 1128.